s'ouvre, chaque pas scelle l'ancien serment. Riderski, lumière sous les ombres, répond à l'appel dans le firmament. Tambour, tambour, réveillez l'épreuve, les gorges vibrent au rythme des dieux. La sueur des fidèles ruisselle en preuve que le désert ne parle que par le feu. Ils ne sont plus rien que le souffle du désert dans les mains. Le sable danse, les voix s'unissent et le rite s'élève jusqu'à l'abîme.